爸。 Thank you. peut-être il y a des... Oh, je sais plus. Il y a mon pique ennemi. Non, mais je vais sortir. Tu m'as dit que tu veux...